shopping, les gars mangent des felias. Caramel de Jamaïca, ça dogine toute la nuit, Dieu le sait. Check, elle aime trop ça. Le shopping, les gars mangent des felias. Caramel de Jamaïca, ça dogine toute la nuit, Dieu le sait. Check, elle aime trop ça. Elle applaudit des seufs, yes, aïe. La plus fraîche du club, yes, aïe. Elle a vu le papers, yes, aïe. Je vais la prendre en doggy style. Dis-moi, où sont mes ennemis? Je les vois pas, où sont mes ennemis? Je barote dans leur tête avec un gros fusil. Soupillave, je fais le tour de la ville. Je dois faire de la moula. Je te dis bye bye bye bye. Je retourne faire ma moula. Je te dis bye bye bye bye. Bye bye bye. Elle aime le chata. Le shopping, les gars, mon stesselia. Caramel de Jamaïca. Ça doguine toute la nuit, Dieu le sait. Check, elle aime trop ça. Le shopping, les gars, mangent des solias. Caramel de Jamaïca. Ça doguine toute la nuit, Dieu le sait. Ma chérie, je suis un bâtard. S'il te plaît, ne t'attache pas. On va se voir faire du respect. Mais j'en réfie, c'est ratard. Chouette, chouette. J'ai dit, chouette, chouette. Vas-y doucement, réveille pas le télo. Les voisins se plaignent du bruit. J'ai dit, chouette, chouette. La moula, j'te dis, bye bye bye bye. J'retourne faire ma moula. J'te dis, bye bye bye bye. Bye bye bye. Elle aime le chata. Le shopping, les gars, mon stesselia. Caramel de Jamaïca. Ça doguine toute la nuit, Dieu le sait. Check, elle aime trop ça. Le shopping, les gars, mon stesselia. Caramel de Jamaïca, ça doguine toute la nuit, je le sais. Je sais qu'elle aime trop ça.